Gérard de Nerval, Petit Château de Bohême. À un ami. Mon ami, vous me demandez si je pourrais retrouver quelques-uns de mes anciens vers. Et vous vous inquiétez même d'apprendre comment j'ai été poète, longtemps avant de devenir un humble prosateur. Je vous envoie les trois âges du poète. Il n'y a plus en moi qu'un prosateur obstiné. J'ai fait les premiers pas par enthousiasme de jeunesse, les seconds par amour, les derniers par désespoir. La muse est entrée dans mon cœur comme une déesse aux paroles dorées. Elle s'en est échappée comme une pitié en jetant des cris de douleur. Seulement, ses derniers accents se sont adoucis à mesure qu'elle s'éloignait. Elle s'est détournée un instant, et j'ai revu comme en un mirage les traits adorés d'autrefois. La vie d'un poète est celle de tous. Il est inutile d'en définir toutes les phases. Et maintenant, rebâtissons, amis, ce château périssable que le souffle du monde a jeté sur le sable. Replaçons le sofa sous les tableaux flamands. Premier château. Chapitre 1. La rue du Doyenné. C'était dans notre logement commun de la rue du Doyenné que nous nous étions reconnus frères. Arcades Ambeau. Dans un coin du vieux Louvre des Médicis, bien près de l'endroit où exista l'ancien hôtel de Rambouillet. Le vieux salon du doyen, aux quatre portes à deux battants, au plafond historié de rocailles et de guivres, restauré par les soins de tant de peintres, nos amis, qui sont depuis devenus célèbres, retentissaient de nos rimes galantes. Traversé souvent par les rires joyeux ou les folles chansons des Cydalises. Le bon Rogier souriait dans sa barbe, du haut d'une échelle où il peignait sur un des trois dessus de glace un Neptune, qui lui ressemblait. Puis, les deux battants d'une porte s'ouvraient avec fracas. C'était Théophile. On s'empressait de lui offrir un fauteuil Louis XIII, et il lisait à son tour ses premiers vers, pendant que Cydalise première, ou Laurie, ou Victorine, se balançaient nonchalamment dans le hamac de Sarah la Blonde, tendu à travers l'immense salon. Quelqu'un de nous se levait parfois et rêvait à des vers nouveaux en contemplant des fenêtres, les façades sculptées de la galerie du musée, égayé de ce côté par les arbres du manège. Vous l'avez bien dit. Théo, te souviens-tu de ces vertes saisons qui s'effeuillaient si vite en ces vieilles maisons, dont le front s'abritait sous une aile du Louvre? Ou bien, par les fenêtres opposées qui donnaient sur l'impasse, on adressait de vagues provocations aux yeux espagnols de la femme du commissaire qui apparaissait assez souvent au-dessus de la lanterne municipale. Quel temps heureux! On donnait des bals, des soupers, des fêtes costumées. On jouait de vieilles comédies où Mademoiselle Plessis, étant encore débutante, ne dédaigna pas d'accepter un rôle. C'était celui de Béatrice dans Jodelet. Et que notre pauvre Édouard était comique dans les rôles d'Arlequin. Nous étions jeunes, toujours gais, souvent riches. Mais je viens de faire vibrer la corde sombre. Notre palais est rasé. J'en ai foulé les débris l'automne passé. Les ruines mêmes de la chapelle, qui se découpait si gracieusement sur le vert des arbres et dont le dôme s'était écroulé un jour, au XVIIIe siècle, sur six malheureux chanoines réunis pour dire un office, n'ont pas été respectés. Le jour où l'on coupera les arbres du manège, j'irai relire sur la place la forêt coupée de Ronsard. Écoute, bûcheron, Arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce? Cela finit ainsi, vous le savez. La matière demeure et la forme se perd. Vers cette époque, je me suis trouvé un jour encore assez riche pour enlever aux démolisseurs et racheter deux lots de boiseries du salon peintes par nos amis. J'ai les deux dessus de porte de Nanteuil, le Watteau de Vattier, signé, les deux panneaux longs de Corot représentant deux paysages de Provence, le moine rouge de Châtillon lisant la Bible sur la hanche cambrée d'une femme nue qui dort, les bacchantes de Chassériau qui tiennent des tigres en laisse comme des chiens, les deux trumeaux de Rogier ou la Cydalise en costume régence, en robe de taffetas feuilles mortes, triste présage, sourit de ses yeux chinois, en respirant une rose, en face du portrait en pied de Théophile vêtu à l'espagnol, l'affreux propriétaire qui demeurait au rez-de-chaussée, mais sur la tête duquel nous dansions trop souvent, après 2 ans de souffrance qui l'avait conduit à nous donner congé, a fait couvrir depuis toute ses peintures d'une couche à la détrempe, parce qu'il prétendait que les nudités l'empêchaient de louer à des bourgeois. Je bénis le sentiment d'économie qui l'a porté à ne pas employer la peinture à l'huile. De sorte que tout cela est à peu près sauvé. Je n'ai pas retrouvé le siège de l'Érida de Lorenz, où l'armée française monte à l'assaut, précédée par des violons. Ni les deux petits paysages de Rousseau, qu'on aura sans doute coupés d'avance. Mais j'ai, de Lorenz, une maréchale poudrée en uniforme Louis XV. Quant au lit Renaissance à la console Médicis, aux deux buffets, au Ribera, aux tapisseries des quatre éléments, il y a longtemps que tout cela s'était dispersé. Où avez-vous perdu tant de belles choses ? Me dit un jour Balzac. « Dans les malheurs, » lui répondis-je en citant un de ses mots favoris. Chapitre 2 Portrait. Reparlons de la Cydalise, ou plutôt, n'en disons qu'un mot. Elle est embaumée et conservée à jamais dans le pur cristal d'un sonnet de Théophile. Du Théo, comme nous disions. Théophile a toujours passé pour solide. Il n'a jamais cependant pris de ventre et s'est conservé tel encore que nous le connaissions. Nos vêtements étriqués sont si absurdes que l'Antinoüs, habillé d'un habit, semblerait énorme comme la Vénus, habillée d'une robe moderne. L'un aurait l'air d'un fort de la Halle endimanché, l'autre d'une marchande de poissons. L'armature colossale du corps de notre ami, on peut le dire puisqu'il voyage en Grèce aujourd'hui, lui fait souvent du tort près des dames abonnées aux journaux de mode. Une connaissance plus parfaite lui a maintenu la faveur du sexe le plus faible, et le plus intelligent. Il jouissait d'une grande réputation dans notre cercle et ne se mourait pas toujours aux pieds chinois de la Cydalise. En remontant plus haut dans mes souvenirs, je retrouve un Théophile maigre. Vous ne l'avez pas connu. Je l'ai vu un jour, étendu sur un lit, long et vert, la poitrine chargé de ventouses. Il s'en allait rejoindre peu à peu son pseudonyme. Théophile de Viaux, dont vous avez décrit les amours panthéistes, par le chemin ombragé de l'allée de Sylvie. Ces deux poètes séparés par 2 siècles se seraient serrés la main aux Champs-Élysées de Virgile, beaucoup trop tôt. Voici ce qui s'est passé à ce sujet. Nous étions plusieurs amis d'une société antérieure qui menions gaiement une existence de mode alors, même pour les gens sérieux. Le Théophile mourant nous faisait peine, et nous avions des idées nouvelles d'hygiène que nous communiquâmes aux parents. Les parents comprirent, chose rare, mais ils aimaient leur fils. On renvoya le médecin et nous dîmes à Théo, « Lève-toi et viens souper. » La faiblesse de son estomac nous inquiéta d'abord. Il s'était endormi et sentit malade à la première représentation de Robert le Diable. On rappela le médecin. Ce dernier se mit à réfléchir. Et le voyant plein de santé au réveil, dit aux parents, « Ses amis ont peut-être raison. » Depuis ce temps-là, le Théophile refleurit. On ne parla plus de ventouse et on nous l'abandonna. La nature l'avait fait poète, nos soins le firent presque immortel. Ce qui réussissait le plus sur son tempérament, c'était une certaine préparation de cassis sans sucre que ses sœurs lui servaient dans d'énormes amphores en grès de la fabrique de Beauvais. Ziegler a donné depuis des formes capricieuses à ce qui n'était alors que de simples cruches au ventre lourd. Lorsque nous nous communiquions nos inspirations poétiques, on faisait, par précaution, garnir la chambre de matelas afin que le paroxysme, dû quelquefois au bacchus du cassis, ne compromît pas nos têtes avec les angles des meubles. Théophile Sauvé n'a plus bu que de l'eau rougie et un doigt de champagne dans les petits soupers. Chapitre 3. La reine de Saba. Revenons-y. Nous avions désespéré d'attendrir la femme du commissaire. Son mari, moins farouche qu'elle, avait répondu par une lettre fort polie à l'invitation collective que nous leur avions adressée. Comme il était impossible de dormir dans ces vieilles maisons à cause des suites chorégraphiques de nos soupers, munis du silence complaisant des autorités voisines, nous invitions tous les locataires distingués de l'impasse et nous avions une collection d'attachés d'ambassade en habits bleus à boutons d'or, de jeunes conseillers d'État, de référendaires en herbe, dont la nichée d'hommes déjà sérieux mais encore aimables se développait dans ce pâté de maison en vue des Tuileries et des ministères voisins. Ils n'étaient reçus qu'à condition d'amener des femmes du monde, protégées, si elles y tenaient, par des dominos et des loups. Les propriétaires et les concierges étaient seuls condamnés à un sommeil troublé par les accords d'un orchestre de guinguettes choisi à dessein et par les bonds éperdus d'un galop monstre qui, de la salle aux escaliers et des escaliers à l'impasse, allait aboutir nécessairement à une petite place entourée d'arbres, où un cabaret s'était abrité sous les ruines imposantes de la chapelle du doyenné. Au clair de lune, on admirait encore les restes de la vaste coupole italienne qui s'était écroulée au XVIIIe siècle sur les six malheureux chanoines, accident duquel le cardinal Dubois fut un instant soupçonné. Mais vous me demanderez d'expliquer encore, en pâle prose, ces six vers de votre pièce intitulée « 20 ans ». D'où vous vient, ô Gérard, cet air académique ? Est-ce que les beaux yeux de l'opéra comique s'allumeraient ailleurs? La reine de Saba, qui, depuis 2 hivers dans vos bras se débat, vous échapperait-elle ainsi qu'une chimère? Et Gérard répondait que la femme est amère. Pourquoi du Saba, mon cher ami? Et pourquoi jeter maintenant de l'absinthe dans cette coupe d'or moulée sur un beau sein? Ne vous souvenez-vous plus des vers de ce Cantique des Cantiques où l'Ecclésiaste nouveau s'adresse à cette même reine du matin? La grenade qui s'ouvre au soleil d'Italie n'est pas si gaie encore à mes yeux enchantés que ta lèvre entr'ouverte. ô ma belle folie, où je bois à longs flots le vin des voluptés. La reine de Saba, c'était bien celle en effet qui me préoccupait alors, et doublement. Le fantôme éclatant de la fille des Émiarites tourmentait mes nuits sous les hautes colonnes de ce grand lit sculpté, acheté en Touraine, et qui n'était pas encore garni de sa brocatelle rouge à ramages. Les salamandres de François Ier me versaient leurs flammes du haut des corniches où se jouaient des amours imprudents. Elle m'apparaissait radieuse, comme au jour où Salomon l'admira, s'avançant vers lui dans les splendeurs pourprées du matin. Elle venait me proposer l'éternelle énigme que le sage ne put résoudre, et ses yeux, que la malice animait plus que l'amour, tempéraient seuls la majesté de son visage oriental. Qu'elle était belle! Non pas plus belle cependant qu'une autre reine du matin dont l'image tourmentait mes journées. Cette dernière réalisait vivante mon rêve idéal et divin. Elle avait comme l'immortelle Balkis le don communiqué par la huppe miraculeuse. Les oiseaux se taisaient en entendant ses chants. Elle l'aurait certainement suivie à travers les airs. La question était de la faire débuter à l'opéra. Le triomphe de Meyerbeer devenait le garant d'un nouveau succès. J'osais en entreprendre le poème. J'aurais réuni ainsi dans un trait de flamme les deux moitiés de mon double amour. C'est pourquoi, mon ami, vous m'avez vu si préoccupé dans une de ces nuits splendides où notre Louvre était en fête. Un mot de Dumas m'avait averti que Meyerbeer nous attendait à 7 heures du matin. Chapitre 4. Une femme en pleurs. Je ne songeais qu'à cela au milieu du bal. Une femme, que vous vous rappelez sans doute, pleurait à chaudes larmes dans un coin du salon et ne voulait pas plus que moi se résoudre à danser. Cette belle éplorée ne pouvait parvenir à cacher ses peines. Tout à coup, elle me prit le bras et me dit « Ramenez-moi, je ne puis rester ici. » Je sortis en lui donnant le bras. Il n'y avait pas de voiture sur la place. Je lui conseillai de se calmer et de sécher ses yeux, puis de rentrer ensuite dans le bal. Elle consentit seulement à se promener sur la petite place. Je savais ouvrir une certaine porte en planche qui donnait sur le manège, et nous causâmes longtemps au clair de lune sous les tilleuls. Elle me raconta longuement tous ses désespoirs. Celui qui l'avait amenée s'était épris d'une autre. De là, une querelle intime. Puis elle avait menacé de s'en retourner seule ou accompagnée. Il lui avait répondu qu'elle pouvait bien agir à son gré. De là les soupirs, de là les larmes. Le jour ne devait pas tarder à poindre. La grande sarabande commençait. 3 ou 4 peintres d'histoire, peu danseurs de leur nature, avaient fait ouvrir le petit cabaret et chantaient à gorge déployée. Il était un laboureur, ou bien c'était un calonnier qui revenait de Flandre. Souvenir des réunions joyeuses de la mère Saguet. Notre asile fut bientôt troublé par quelques masques qui avaient trouvé ouverte la petite porte. On parlait d'aller déjeuner à Madrid, au Madrid du bois de Boulogne, ce qui se faisait quelquefois. Bientôt le signal fut donné, on nous entraîna et nous partîmes à pied, escortés par 3 gardes françaises, dont 2 étaient simplement messieurs d'Egmont et de Beauvoir. Le 3e, c'était Giraud, le peintre ordinaire des gardes françaises. Les sentinelles des Tuileries ne pouvaient comprendre cette apparition inattendue, qui semblait le fantôme d'une scène d'il y a 100 ans, où des gardes françaises auraient mené au violon une troupe de masques tapageurs. De plus, l'une des 2 petites marchandes de tabac si jolies, qui faisaient l'ornement de nos bals, n'osa se laisser emmener à Madrid sans prévenir son mari, qui gardait la maison. Nous l'accompagnâmes à travers les rues. Elle frappa à sa porte. Le mari parut à une fenêtre de l'entresol. Elle lui cria « Je vais déjeuner avec ces messieurs. » Il répondit « Va-t'en au diable, c'était bien la peine de me réveiller pour cela. » La belle désolée faisant une résistance assez faible pour se laisser entraîner à Madrid, et moi je faisais mes adieux à Rogier en lui expliquant que je voulais aller travailler à mon scénario. « Comment ? Tu ne nous suis pas ?» Cette dame n'a plus d'autre cavalier que toi, et elle t'avait choisi pour la reconduire. Mais j'ai rendez-vous à 7 heures chez Meyerbeer. Entends-tu bien ? Rogier fut pris d'un fou rire. Un de ses bras appartenait à la Cydalise. Il offrit l'autre à la belle dame, qui me salua d'un petit air moqueur. J'avais servi du moins à faire succéder un sourire à ses larmes. J'avais quitté la proie pour l'ombre, comme toujours. Chapitre 5. Primavera. En ce temps, je ronsardisais pour me servir d'un mot de Malherbe. Il s'agissait alors pour nous, jeunes gens, de rehausser la vieille versification française. Affaiblie par les langueurs du XVIIIe siècle, troublée par les brutalités des novateurs trop ardents. Mais il fallait aussi maintenir le droit antérieur de la littérature nationale dans ce qui se rapporte à l'invention et aux formes générales. Mais me direz-vous, il faut enfin montrer ses premiers vers, ses juvénilia. Sonnez-moi ces sonnets, comme disait Du Bellay. Eh bien, étant admise l'étude assidue de ces vieux poètes, croyez bien que je n'ai nullement cherché à en faire le pastiche, mais que leur forme de style m'impressionnait malgré moi, comme il est arrivé à beaucoup de poètes de notre temps. Les odelettes, ou petites odes de Ronsard, m'avaient servi de modèle. C'était encore une forme classique, imité par lui d'Anacréon, de Bion et jusqu'à un certain point d'Horace. La forme concentrée de l'odelette ne me paraissait pas moins précieuse à conserver que celle du sonnet, où Ronsard s'est inspiré si heureusement de Pétrarque, de même que dans ses élégies, il a suivi les traces d'Ovide. Toutefois, Ronsard a été généralement plutôt grec que latin. C'est là ce qui distingue son école de celle de Malherbe. Vous verrez, mon ami, si ces poésies déjà vieilles ont encore conservé quelques parfums. J'en ai écrit de tous les rythmes, imitant plus ou moins comme l'on fait quand on commence. L'ode sur les papillons est encore une coupe à la Ronsard. Et cela peut se chanter sur l'air du Cantique de Joseph. Remarquez une chose, c'est que les odelettes se chantaient et devenaient même populaires. Témoin cette phrase du roman comique. Nous entendîmes la servante qui, d'une bouche imprégnée d'ail, chantait l'ode du vieux Ronsard. Allons de nos voix et de nos luttes d'ivoire ravir les esprits. Ce n'était du reste que renouveler des odes antiques, lesquelles se chantaient aussi. J'avais écrit les premiers sans songer à cela, de sorte qu'elles ne sont nullement lyriques. La dernière, « Où sont nos amoureuses ?» est venue malgré moi sous forme de chant. J'en avais trouvé en même temps les vers et la mélodie, que j'ai été obligée de faire noter ce qui a été trouvé très concordante aux paroles. Second château. Celui-là fut un château d'Espagne, construit avec des châssis. Des fermes étaient praticables. Vous en dirai-je la radieuse histoire poétique et lyrique à la fois? Revenons d'abord au rendez-vous donné par Dumas, et qui m'en avait fait manquer un autre. J'avais écrit avec tout le feu de la jeunesse un scénario fort compliqué qui parut faire plaisir à Meyerbeer. J'emportais avec effusion l'espérance qu'il me donnait. Seulement, un autre opéra, Les Frères Corse, lui était déjà destiné par Dumas et le mien n'avait qu'un avenir assez lointain. J'en avais écrit un acte lorsque j'apprends tout d'un coup, que le traité fait entre le grand poète et le grand compositeur se trouve rompu. Je ne sais pourquoi. Dumas partait pour son voyage de la Méditerranée. Meyerbeer avait déjà repris la route de l'Allemagne. La pauvre reine de Saba, abandonnée de tous, est devenue depuis un simple conte oriental qui fait partie des nuits du Ramazan. C'est ainsi que la poésie tomba dans la prose et mon château théâtral dans le troisième dessous. Toutefois, les idées scéniques et lyriques s'étaient éveillées en moi. J'écrivis en prose un acte d'opéra comique, me réservant d'y intercaler plus tard des morceaux. Je viens d'en retrouver le manuscrit primitif qui n'a jamais tenté les musiciens auxquels je l'ai soumis. Ce n'est donc qu'un simple proverbe et je n'en parle ici qu'à titre d'épisode de ces petites mémoires littéraires. Troisième château. Château de cartes. Château de bohème. Château en Espagne. Telles sont les premières stations à parcourir pour tout poète. Comme ce fameux roi dont Charles Nodier a raconté l'histoire. Nous en possédons au moins sept de ceux-là pendant le cours de notre vie errante. Et peu d'entre nous arrivent à ce fameux château de briques et de pierres rêvé dans la jeunesse, d'où quelques belles aux longs cheveux nous sourient amoureusement à la seule fenêtre ouverte, tandis que les vitrages treillissés reflètent les splendeurs du soir. En attendant, je crois bien que j'ai passé une fois par le château du diable. Ma Cydalise à moi, perdue, à jamais perdue. Une longue histoire qui s'est dénouée dans un pays du Nord et qui ressemble à tant d'autres. Je ne veux ici que donner le motif des vers suivants, conçus dans la fièvre et dans l'insomnie. Cela commence par le désespoir et cela finit par la résignation. Puis, revient un souffle épuré de la première jeunesse et quelques fleurs poétiques s'entr'ouvrent encore dans la forme de l'odelette aimée, sur le rythme sautillant d'un orchestre d'opéra.